Psaume numéro 119. Dans ma détresse, j'ai crié vers le Seigneur, et lui m'a répondu. Seigneur, délivre-moi de la langue perfide, de la bouche qui ment. Que t'infliger aux langues perfides, et qu'ajouter encore la flèche meurtrière du guerrier et la braise des genêts. Malheur à moi, je dois vivre en exil et camper dans un désert. Trop longtemps j'ai vécu parmi ces gens qui haïssent la paix. Je ne veux que la paix, mais quand je parle, ils cherchent la guerre.